jeune, il est dans le vent, il roule en Vespa, les femmes le désirent, les hommes aussi. Mesdames et messieurs, voici votre animateur, Jean-Philippe Baudet! Merci, Ben. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci d'être ici. Merci au public à la maison. Merci au public, évidemment, en studio. J'espère qu'à la maison, vous êtes plus nombreux qu'en studio parce qu'on est dans un petit studio quand même. Mais il y a des gens. Merci beaucoup d'être ici. On applaudit, s'il vous plaît. Okay. Grâce à vous, pour la première fois, la soirée est encore jeune. Évidemment, plusieurs personnes m'ont demandé au fil des dernières semaines, c'est quoi au juste la soirée est encore jeune? Ben en fait, c'est un peu comme le talk show de Pénélope, mais c'est Fred Savard qui est à la place du chien, Rosie. Mais le cheveu est spectaculaire dans les deux cas, faut le spécifier quand même. Merci, c'est très gentil. Non, la soirée est encore jeune, c'est évidemment des invités de marque et on commence la saison en force. On reçoit Denis Coderre qu'on applaudit. Oui. Denis, qui est en coulisses déjà, en fait, que dis-je? Qui tweet en coulisses déjà 15 ans de députation fédérale pour Denis Coderre à 15 ans des pluchettes de Blédin. Oui, bravo, 15 ans, honnêtement. Moi, j'aurais pas toffé 15 ans. Mais bon, 15 ans des pluchettes de Blédin, 15 ans de souper spaghetti. C'est pas facile de tenir sa ligne de parti dans ce temps-là, honnêtement. Hein, Denis? Il nous écoute pas, malheureusement. Alors, on a également Luc Ferrandez qui sera avec nous ce soir. Une bonne main d'applaudissements, oui. Luc. Évidemment, moi, je m'étais préparé des blagues sur le fait qu'elle arrivait en retard à cause du trafic sur le plateau Mont-Royal, mais c'est bien maudit, hein? Il est arrivé pile à l'heure, puis même, je dirais, un peu en avance. Ça doit être les BCQ usagers du maire de Montréal. Alors, de quoi va parler la soirée est encore jeune? Ben, ce qui est merveilleux, évidemment, on va rester dans l'actualité, mais dans l'actualité avec humour. Et notre chance à nous, c'est que nos profits ne vont pas à une coalition de type large avec l'esprit étroit, ce qui veut dire qu'on a la possibilité, de faire des blagues racistes, hein, des blagues homophobes et des blagues sexistes. Et ça, c'est notre gros avantage. D'ailleurs, un premier qui me vient à l'esprit, c'est une fois le sénateur Patrick Brazeau. Qui s'en va dans une conférence de journalistes arabo-lesbiennes. Ah ouais, c'est bon. Et la... Enfin là, regarde, je vais regarder pour le Sénat, celle-là, honnêtement, ils vont plus la rire là-bas. C'est l'été, c'est bien connu, c'est la saison des festivals. Un tous les quatre coins de rue, si j'en crois les statistiques. D'ailleurs, au Québec, il y a juste la lèpre qui n'a pas de festival, à ce que je pense. Non, Woodstock-en-Beauce, je crois que c'est le festival. Woodstock-en-Beauce, c'est vrai. Ou la gale. La gale, c'est ça, exactement. Enfin, êtes-vous allé au festival de jazz, Fred? Non, malheureusement, non. Ça commençait à mercredi. Ah, et grosse édition cette année, il paraît qu'au menu, il y avait du flamenco, il y avait du hip-hop balkanique aussi, j'ai entendu parler de ça, du tango, et j'ai entendu parler qu'il y avait du jazz. Accessoirement. D'ailleurs, très difficile de déterminer quel mandat le plus flou entre le festival de jazz et la commission Charbonneau, honnêtement. C'est égal, hein? C'est assez serré, oui. Toujours dans le domaine du flou, on va parler un peu de la future course à la chefferie du Parti libéral du Canada, prévue d'ici 2019. Résultat 21, je pense. Résultat 2021, c'est vrai. Ben, on apprend qu'une ancienne flamme de Pierre-Éliott Trudeau, Deborah Coyne, se portera candidate. Coyne, c'est la mère de la seule fille de Pierre-Éliott Trudeau, Sarah. Sarah Pett, d'ailleurs, qui est la demi-sœur de Justin Trudeau, Justin Trudeau. Justin Pett, exactement. Toujours drôle, des jokes de Pett, hein? C'est drôle. Oh, oui, on se dira. Plusieurs membres du PLC se disent franchement inquiet, d'ailleurs, qu'il y ait d'autres anciennes flammes de Pierre-Éliott Trudeau qui se manifestent. Oui, parce que ça pourrait faire monter les candidatures jusqu'à 2500 personnes. C'est quand même le double du membership du parti. C'est vrai, c'est quasiment le double du membership. Ça sent quasiment un plus. C'est une bonne nouvelle. Ça. Parlant de Trudeau, d'ailleurs, je m'en voudrais de terminer sans dire au moins deux mots sur la fête du Canada qui s'en vient. Fait que c'est fait. Oui. Alors, on peut tous s'ouvrir une bière parce que la soirée est encore jeune. Encore une fois, merci d'être à l'écoute. Je vais vous présenter toute l'équipe de la soirée. Est encore jeune, toute l'équipe qui va me suivre pendant tout l'été. On a Fred Savard, évidemment, qui est notre maître de cérémonie. Excuse-moi. Bonsoir. Oui, bonsoir, Fred. On a également Olivier Niquette qui va s'occuper des internets. Ben oui, on est sur les internets mur à mur, Twitter, Facebook, en wait down. Puis vous pouvez nous suivre ce soir en direct à @lasoirée sur Twitter. Sinon, rendez-vous radiocanada.ca/lasoirée pour tous les détails de l'émission. Merci, Olivier. Marie-Claude Bocage qui est à la réalisation. Enchaîne, Vautier, s'il te plaît. OK. Et Philippe Roberge qui est au piton. Philippe, bonsoir. Merci. Grosse semaine d'actualité pour commencer notre saison estivale. Tellement que j'ai failli passer à côté de la nouvelle. Évidemment, Louis Morissette et Véronique Cloutier vont se marier. Hey, gros mariage demain, ça a été. J'ai même pas été ensemble. Mais arrête donc. Non, mais n'empêche, c'est une nouvelle qui a été cachée pendant longtemps, mais là, on l'a su. Bon, le gratin du showbiz québécois va y être. Je suis pas encore invité, mais c'est juste demain. Donc, j'ai encore du temps, j'attends l'appel. Fred, vous êtes invité, vous? Non, mais moi, j'ai été invité au divorce de Tom Cruise. Ah, arrêtez donc! Oui, ça vient de sortir aujourd'hui. C'est vrai? Oui. Chanceux, ça va être le cœur. On s'en va dans l'espace. Ben oui, les scientologues, eux autres, c'est comme ça. Vous avez sans doute entendu parler de Paul Daniel Mueller. Je sais pas, vous savez, c'est l'économiste qui, dans les pages de la presse, dénonçait la politique sexiste de la SAQ, qui ne donne plus de sac aux hommes pour apporter les bouteilles de vin, alors que les femmes, elles sont injustement avantagées par le maudit sacoche. Ouais. Hein? Je pense que ça serait mieux de dire sac à main. Je pense que c'est des sacoches, Marc-Lon. On a pensé aider ce pauvre Paul Daniel en lui offrant un top 5 des façons d'acheter du vin à la SAQ quand on est un homme qui vit dans une clitocratie. C'est quoi une clitocratie? C'est quoi une clitocratie, Fred? Ben, c'est comme un gros Laval, mais avec juste des lispaillettes. Oh! Bon, ben, vous vivrez avec celle-là. OK? Ouais. Parfait. Alors, la cinquième façon d'acheter du vin à la SAQ quand on est un homme qui vit dans une clitocratie. S'acheter une sacoche d'homme en cuirette comme c'était la mode en 86. Y a-t-il quelqu'un qui avait ça pour vrai? J'en avais une. C'est vrai? Oui, j'avais mes cartes d'hockey là-dedans. Ben, mon père aussi en avait une, c'est pas super beau. Quatrième façon, prendre sa voiture et aller dans une LCBO à Cornwall où il laisse les vrais mâles s'exprimer dans du bon vieux plastique. On parle de latex ici, hein, n'est-ce pas? À Cornwall, ça me surprendrait peut-être. Troisième façon, demander à sa blonde d'acheter du vin à sa place et éprouver par la suite des problèmes d'érection parce qu'elle a ramené juste du rosé. Ah ben oui. Je la comprends pas. Vous avez jamais bu deux bouteilles de rosé en ligne, hein? Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça que ça fait? Ouais. OK. Quatrième, en fait, deuxième raison, aller à la SAQ Dépôt et commander un 20 litres de Harfang des Neiges et payer le supplément de 10 $ pour la livraison. Oui. Ah oui, ça vient dans un gros camion-citerne. Good. Et la dernière façon d'acheter du vin à la SAQ quand on est un homme qui vit dans une clitocratie, changer de sexe et acheter les bouteilles qu'on veut puisqu'on a maintenant une christie de grosse sacoche pour s'agencer à nos 6 pieds 3. On peut en mettre du blanc dans une grosse sacoche. Oui, c'est bon, du blanc. Encore, après ça, vous direz qu'à Radio-Canada, on ne pense pas à nos collègues masculins. Avant de passer aux vraies affaires, on va aller joindre Jean-Sébastien Girard, qui est notre reporter qui a peur de rien et qui va se rendre là où l'actualité du jour le commande. Jean-Sébastien, vous avez quoi au menu ce soir? Ah, quelque chose de pas banal. Je me trouve présentement à Sainte-Dorothée-Laval. Vous le savez, vous recevez des invités politiciens. Oui. C'est toujours facile hein, d'interviewer des politiciens. Parfois, ils hésitent à dire la vérité. Parfois, c'est la cassette, la langue de bois. Alors, pour savoir les vraies affaires, pour connaître un peu leur avenir politique aussi, je me dirige chez une voyante qui s'appelle Lise Savard, dite la pute sorcière. Donc, dans quelques minutes, je suis là et puis elle va tout raconter sur vos deux invités. Et on a assez hâte. Merci, Jean-Sébastien. À tout de suite. Il vient de fêter ses 15 ans à titre de député fédéral, même si on a l'impression qu'il était là dans le temps de Lester B. Pearson. Très présent sur les médias sociaux, nous l'avons en chair et en os devant vos oreilles et vos billes. Accueillons le baron du comté de Bourassa, son éminence, Denis Coderre! Le baron de Bourassa. Le baron de Bourassa? Pas monarchiste pourtant. OK, c'est correct. Hey, Denis, une petite bière? Non, merci. Parfait, je vais vous en donner une. C'est beau, parfait. La Bud Light Lime Mojito, elle est excellente. Et vous allez voir, ça se digère bien avec du spaghetti. 15 ans, Denis! T'as pas de Molson, hein? Je suis pas le Canadien. Non, je suis désolé. C'est l'autre bord de la rue pourtant. Oui, je sais, c'est tout ce qu'on a comme choix. Denis, 15 ans! 15 ans de carrière à Ottawa. Oui. Hey, j'étais même pas né il y a 15 ans. C'est pas vrai, j'étais né. C'est pas ça. Non, j'étais né. Ça explique beaucoup de choses. Mais c'est vrai, ce que Frédéric disait, c'est vrai. Ça, on a l'impression que vous êtes dans le paysage politique depuis toujours. C'est dégueulasse. Hein? C'est... Je parlais pas de politique. Je vais vous l'enlever, Wesh. Votre bas de lime, là. OK. Je la donnerai à Luc Ferrandez tantôt. Bon. Non, mais c'est vrai, on dirait que ça fait. C'est vrai, ça fait 50 ans. On va recycler ça, hein? Oui. Concentrez-vous, là. Okay, focus. On vous a enlevé votre téléphone pour pas que vous tweetez, puis vous n'êtes même pas capable de vous concentrer. Non, inquiète-toi pas. Mais 15 ans de vie politique, là, on se tanne pas après 15 ans de vie non. politique à Ottawa? Pas du tout. Ça fait surtout 30 ans que je suis dans un parti politique. Ça fait 15 ans comme député. Mais j'avais essayé avant. J'ai 9 campagnes électorales. J'avais essayé la première fois en 1988. Oui, assez dommage que vous n'ayez pas gagné. Je l'ai mangé, hein? Dans Joliette. Vous fêterez vos 25 ans. Ouais. C'est maudit, hein? Ça aurait été d'autres choses, la bière. Là. Ouais, c'est ça. Peut-être que ça aurait été du champagne. Hein, c'est comme ça. Par Radio-Canada. Mais là, depuis. Les conservateurs vous écoutent. Là, donnez-nous une chance, Denis. OK? C'est pour ça que je suis là. Ça fait 15 ans donc que vous êtes député à Ottawa. Le pays a évolué comment depuis 15 ans, à part l'arrivée de Facebook et Twitter, là? Hein? Ben, je dois t'avouer qu'avec la venue des conservateurs, ça fait dur. C'est il y a le grand poète, chauffeur d'autobus, qui dit « avance en arrière ». Là, on ramène le God Save the Queen. Là, on ramène... Ça, c'est André Arthur. Ça, ouais. Il était député, d'ailleurs. Oui, oui. Ça, ça vient de prouver. Oui, oui, oui. Ça, puis les aspirateurs. Ah, mais tu sais, il y a... Non, écoute, ça va mal. Ça va pas bien. Je veux dire, on a perdu notre réputation pas mal au niveau du monde. Mm-hmm. On a un gouvernement qui a cette tendance de ramener tout ce qui était avant, c'est plus bon, fait que... Ben, c'est un peu triste. Donc, le Canada qui est en train d'être fondamentalement transformé, si on vous écoute, vous êtes un bon ami de Jean Chrétien, peut-être moins de Paul Martin, Marc. Que voulez-vous? Mais pourquoi on ne les entend pas sur la place publique, ces gens-là? Ils sont à sa gare? Ils sont où? Non, ils ne sont pas à sa gare. Bien, remarquez qu'il ne faut pas diviser la famille. Hein? Non, c'est ça. M. Chrétien, c'est familial. Oui, oui. Non, mais je te dirais tout simplement que ce que j'aime de Jean Chrétien, il dit, moi, je ne jouerai pas à belle-mère. OK. Alors, j'ai un droit de réserve, je suis élu. Quand il y a des choses qui peuvent toucher autre chose que les affaires du gouvernement, je peux donner mon opinion, mais non, je trouve ça sain. Oui? Oui, oui. Ah, c'est intéressant, ça. Il y a des problèmes de belle-mère à Québec. Ben non, mais je sais bien. Mais on a entendu pas mal de ça. On parle du Canada, là. En 15 ans de politique... Québec fait partie du Canada, mon vieux. Vous êtes sûr de ça? Oui, oui. OK. C'est Harper qui va demander des conseils pour comment se faire aimer au Québec. Là. Vous avez parlé de votre passé en politique. Votre jeunesse a été aussi marquée par la politique. On dit que vous prononciez des discours devant votre classe de première année. Oui. Ça, c'est... De l'italien n'existait pas dans ce temps-là. C'est ça. Non, mais c'est vrai, ça. Hein? Il y avait, en première année, ouais. Et puis le professeur nous avait demandé d'écrire un poème. Tout le monde. J'ai essayé que ça rime, là, mais en tout cas. Et finalement, j'ai fait un discours, puis elle m'a demandé d'en faire un par semaine. C'était tranquille en classe après. C'est vrai? Oui. Mais ça, Freud a sûrement un nom pour ce problème-là, là, de vouloir s'exprimer à l'âge de 6 ans en classe, comme ça. J'espère qu'on doit s'exprimer dès l'âge de 6 ans. Dès l'âge de 6 ans? Oui, oui, oui. Ben justement... Ben, en maternelle, je suis devenu président de la classe. Pardon? Je te jure. Mais là, à 6 ans, déjà, personne ne voulait la job. Ouais. Que j'ai rempli le vacuum. Oui, oui. OK, fait que c'est pas vos 15 ans de politique qu'on fête, là. Comme député. Ah, c'est ça. Mon Dieu, ça fait. Vous avez quel âge, là? Je vais avoir 49 ans le 25 juillet. Fait qu'on fête vos 43 ans bientôt. Ben, vous reviendrez à l'émission pendant l'été. Denis, évidemment, 15 ans comme député fédéral, c'est bien beau. Mais cette année-là est spéciale. Oui. Parce que c'est l'année. La décision. Hein, vous avez vendu ça comme ça. Il va se passer quelque chose à l'automne. On riait tout à l'heure, mais ça va être le début de la course à la chefferie au Parti libéral du Canada. Tout à fait. Ça va être le début de la campagne pour la mairie de Montréal. Oui, pour la mairie de Montréal. Tout à fait. Il y a eu un sondage récemment qui donnait le PLC à 33% des intentions de vote si c'était Justin Trudeau qui était à la chefferie. Dans ce même sondage... Tu sais que mon nom n'était pas là-dedans, celle-là? Ben oui, dans celle-là, malheureusement. Okay. Oui, il est à 17% votre nom là-dedans. Alors, c'est un petit peu moins. Il y a encore quelques anglophones qui m'aiment depuis Shane Dome. C'est bon. Ça. Mais, ben oui, d'ailleurs, il est agent libre. C'est assez... Oui, hey, on n'en veut pas. Ken Dryden, Shane Dome, ça ferait un beau line-up. C'est pas la même chose. Non, vous pensez pas? Non, pas du alors, 17%. 7%, c'est pas assez pour... Je crois que Ken était pour les Maple Leafs de Toronto. Ken, oui. Ah, OK. Ça explique beaucoup de choses. OK, continue. Coudon, ça va donc bien mal chez vous. Ça va très bien. Ah oui? OK, d'accord. Oui, non, mais je réalise des choses. Là. Merci, tu m'aides. Ben, à mon avis, c'est la bière au mojito. 17%, c'est pas assez, évidemment, pour diriger un pays, mais c'est peut-être suffisant pour diriger une ville. D'ailleurs, à Montréal, ça peut se prouver. Un des derniers sondages aussi sur la mairie de Montréal, vous remportiez la palme avec 23% des voix. Hey, c'est beaucoup, 23%. Wow. C'est quasiment une personne sur 5. C'est presque plus que le taux de participation. Ben oui. Là, niaisez-nous pas, là, Denis. Vous allez non, mais honnêtement, je vais prendre une décision. Vous avez même pas une idée? Non, je vais dire pourquoi. Okay. Parce que quand ça fait 30 ans que tu es dans un parti politique, tu as été 15 ans député, été ministre, j'ai joué un rôle dans un gouvernement, j'ai toujours eu l'ambition d'être chef de ce parti-là. Okay. Donc, c'est sûr que je me pose des questions. Maintenant, j'ai mal à Montréal présentement. J'aime pas ce que je vois à Montréal. Il y a une crise de leadership, il y a une crise de crédibilité. Alors, et il y a des gens qui pensent que je pourrais être cette personne-là. Est-ce que vous pensez ça? Ben, on peut penser ce qu'on veut de nous-mêmes. Ben ce qui est important, c'est ce que les autres aussi. Non, mais regarde. Les autres ne sont pas là, là. C'est ça. Personne n'écoute. C'est chiant pour l'émission, ça. Non, honnêtement, c'est sérieux. Je pense que Montréal, c'est une grande métropole qui mérite d'avoir cette réflexion-là. Alors que c'est pas moi, soit un autre. Mais je pense qu'on est à la croisée des chemins pour Montréal. Ça va pas bien à Montréal. Ça va pas bien à Montréal. Bon, ben ça va, c'est quand même encore dirigé par Gérald Tremblay. Tout à fait. Et si j'avais une question à vous poser sur Gérald, c'est nommez-moi une qualité de Gérald. Une, juste une. Gérald Tremblay, c'est pas un mauvais bougre. C'est pas une qualité, ça va être pas un mauvais. Non, c'est pas un mauvais bougre. C'est un bon gars. Non, c'est un bon gars. Je veux dire, je le connais depuis de nombreuses années. Ah oui, c'est dans la même famille que vous. Au provincial. Il est au provincial, moi je suis au fédéral. Ouais. Bon. Quoi que des fois, ça dépend. Mais c'est ça. Mais une qualité, là, on travaille fort pour pas en avoir une à dire, mais... C'est un gars profondément humain. On peut casser du sucre sur les politiciens, c'est un homme profondément humain. On peut être en désaccord avec ce qu'il fait, mais c'est quelqu'un qui, à mon avis, n'a aucune malice. Après 10 ans, ben, il y a une réflexion personnelle à faire. Est-ce qu'il veut rester comme maire? Est-ce qu'il va se présenter? Mais ça va être le jugement de la population. Et moi, si j'y vais, c'est pas par rapport à un qui reste ou qui reste pas. Mm-hmm. Si je décide d'y aller, c'est parce que je pense que je pourrais être cette personne-là qui peut être une alternative. Puis c'est quand qu'on va vous recevoir à nouveau là, pour annoncer votre décision? Je vais prendre la décision. J'ai dit que... J'avais tweeté ça, d'ailleurs. 2011, c'était l'année de la réflexion. 2012, c'est l'année de la décision. OK, fait que là, vous le savez. Là. Bon, ben ça, c'est une bonne affaire de fête. Pas encore. Mais non, ben là, 2011, c'est l'année de la réflexion. J'ai juste pris une gorgée, là, de ton volito. C'est ça. Je vais vous en redonner d'autres, de la bière, Denis. Alors, en terminant, on vous n'avait déjà? Fait... Déjà? Ça passe vite. Ben oui, je sais bien, mais on a d'autres gens à recevoir, des gens aussi importants. Est-ce qu'on peut vous voir? Il paraît que vous êtes encore tannant, vous. C'est encore l'hiver dans le plateau. La neige est-tu fondue? Vous savez quoi? On soit quelqu'un, vous lui posera la question. Je pense que la campagne est commencée. Vous me poserez la question. Oh, merci beaucoup, j'aime bien, Luc. J'aime bien. Vous restez avec nous. Je reste avec vous. Ben, c'est une bonne nouvelle. Ça. Merci beaucoup, Denis Coderre. Merci beaucoup. On a tous... Applaudissez-le pas tant que ça, il est pas encore maire. On a tous vécu un déménagement au moins une fois dans notre vie, mais qui a déjà travaillé pour une compagnie de déménagement? Alors, je vois pas de main levée dans la salle, mais peu importe, ça nous a inspiré une petite mise en situation. On écoute. Bon, une autre journée de fou commence, mon Bob. Yep. Oui, bonjour, on peut vous aider? On est déménageurs. Des déménageurs? Ben oui, ils nous ont demandé d'embarquer les meubles, les fenêtres, les plantes, les crayons, puis les trombones aussi, là, pas l'instrument. Là, il doit avoir une erreur, là. Vous êtes dans une agence gouvernementale ici, là. On aurait été avertis d'avance si on déménageait. Ça fait 2 mois que je déménage des bureaux de fonctionnaires, puis je pense que vous êtes le 23e à pas être au courant. Ouais, ils nous ont aussi demandé d'apporter une grosse boîte ronde. Ben oui, c'est vrai, ça. C'était pas quoi, déjà? La biosphère, je pense. Excusez, monsieur, vous êtes à côté sur le portrait de la reine, là. On dit appuyer, monsieur, et je ne m'appuie jamais sur la reine. Faites bien, parce qu'il faut l'embarquer, elle aussi. Inspirant, franchement inspirant, les boys. Vous êtes toujours à l'écoute de la soirée T'es encore jeune, en compagnie de Denis Coderre. Et là, on va aller retrouver, évidemment, Jean-Sébastien Girard, qui doit être rendu à Laval si tout se passe bien. Jean-Sébastien? Bonjour Jean-Philippe, je suis à Sainte-Dorothée-Laval, effectivement, tout se passe bien. Je viens tout juste d'arriver chez Lise Savard, dite la petite sorcière. Jean-Philippe, elle est à la fois astrologue, numérologue, tireuse de tarot, elle est voyante. Et mon Dieu, elle a fait des grosses études à l'université. Savard, bonjour. Imparente avec Mme Minot. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Bien vous-même. On n'a pas eu le temps de se parler beaucoup, hein? Non, on vient juste d'arriver. T'es en plein déménagement. Je suis assis par terre. Il y a des déménageurs un peu partout dans son appartement. Madame Savard, il y a M. Denis Coderre qui est en studio. Vous me dites que vous l'aimiez beaucoup. Pourquoi vous l'aimez? Je l'aime parce que je l'aime. Une excellente raison. Alors, parlez-moi un petit peu de ça. Oui, son franc-parler. Parlez-moi un peu de son avenir politique. Il vient de dire qu'il n'est pas encore décidé à savoir s'il va se présenter à la mairie de Montréal. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce qu'il sait, dans le fond, ce qu'il veut faire? Il est en année 1, en numérologie, c'est ça. Et être en année 1, ça veut dire que c'est une année de départ. Okay. Tout ce qu'il va faire cette année, tout ce que vous allez faire, M. Coderre, cette année, va avoir des répercussions sur vous pendant 8 ans. C'est pas une pièce, la minute. Il va faire autre chose que des talk shows puis du Twitter. Exactement. Okay. Puis, à son anniversaire, le 25 septembre de l'année passée, il a commencé une année... avec une grande transformation qui s'annonçait. En ce moment, c'est en train de se réaliser. OK. En ce moment même. En ce moment même. Aujourd'hui, peut-être? Peut-être. Vous en dites quoi, M. Coderre? Oui, c'est vrai, j'ai engraissé. On va voir s'il va se présenter. Ouais, il dit qu'il a pris du poids. Oui. Est-ce que les chiffres le disent, ça, qu'il a pris du poids? C'est pas ça. C'est une transformation. La balance, là, je suis plus capable de lire. Mon... Mais c'est juste important, quand même. Non, je veux dire... Et qu'est-ce qu'il va devoir faire pour arriver à ses fins? Est-ce qu'il va devoir aller souper à sa gare, faire des trucs comme ça, par exemple? Il n'y a rien à son épreuve. Non. Et puis, mais il est dans une bonne année pour commencer des choses nouvelles. Et c'est lui qui décide. Parfait. Et dans un an, il est où, Denis Coderre, concrètement? Dans un an, beaucoup de bouleversements dans sa vie. Alors, dans un an, il va être, je dirais... Là, je vais lui demander de me donner deux chiffres. Parfait. Entre... 7 et 9. Pour savoir si ça va être la mairie ou bien s'il va se présenter comme chef... De son parti. Alors, il dit le 7 et le 9. Non. Le 7 et le 9. Alors, je pense que ça va être plus le chef de son parti. Ah, alors vous allez devenir chef de votre parti, vient de me dire Mme Savard. C'est ça qui vous attend pour la prochaine année, M. Coderre. 7 et 9. Hein? Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Hein? Merci, on vous retrouve tout de suite. Bien, avoir su, on y aurait parlé avant. Ouais. On n'aurait pas eu toute cette discussion-là. Il manie le verbe comme une arme de destruction massive. Il est très grand, au propre comme au figuré. Il est pertinent, mais surtout impertinent. Mesdames et messieurs, accueillons moi-même! Vous allez vous présenter toutes les semaines comme ça, Fred Savard? Oui, oui, oui, tout à fait. Ça va être toujours plus long d'une semaine après l'autre. Excellent! Alors, évidemment, il y a une journée importante qui s'en vient dimanche, hein, les amis. Et je ne parle pas ici de l'infâme finale de l'Euro, mettant aux prises l'Espagne et l'Italie, deux équipes de pleureuses. Mais j'ai le devoir... Mais l'Italie va gagner. J'ai le devoir de vous parler du 145e anniversaire du Canada, notre beau pays. Car depuis l'avènement du Parti conservateur au pouvoir, M. Coderre en parlait, de plus en plus de voix dénoncent le supposé travestisme de notre historicité canadienne que pratique ce parti. D'ailleurs, j'en profite pour honorer la mémoire de Gilda, qui n'est plus... et qui fut, du haut de mes 6 ans, mon premier contact avec un monsieur qui s'habille en madame en chantant des chansons cochonnes. Eh bien, ces mêmes voix n'hésitent pas à dénoncer la subvention de 50 000 $ qu'a reçu le comité de reconnaissance du projet Histoire d'animaux à la guerre afin d'installer un magnifique bronze de chien au parc de la Confédération à Ottawa afin de souligner le rôle majeur qu'a joué les animaux dans les conflits qui ont jalonné notre histoire. C'est un chien royal. Que la marraine du projet soit l'épouse même de notre premier ministre ne devrait pas nous distraire de l'objectif tout à fait noble d'une telle opération. Trop occupés à se vautrer dans nos plaies de discorde entre deux solitudes, on oublie souvent le rôle important qu'ont joué les chevaux, les chiens, les pigeons, les souris et même les vers luisants, qui, par leur bravoure, ont contribué à l'unité canadienne face à des nations barbares. Un exemple, Jean-Philippe, Patrimoine Canada qui estime à 8 millions le nombre de chevaux morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. 8 millions, pas 6 millions, 8 millions. C'est presque autant que les 10 millions de Russes qui sont morts lors de cette même guerre quand même. Mais nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin. Pourquoi ne pas commémorer également la clairvoyance de Oum, le dauphin, qui, selon plusieurs historiens conservateurs, aurait averti les habitants de Gaspé de la venue des guerriers de Sparte lors de la guerre du Péloponnèse, en se faisant aller le flipper jusqu'à ce que les habitants sortent de leur torpeur toute gaspésienne. Ça n'a pas empêché les Grecs de l'emporter, mais anyway, ils sont en faillite aujourd'hui alors que le Canada est en mesure de donner des leçons à toute l'Europe. C'est vrai. A de quoi être fiers. N'oublions pas non plus Petit Castor, lui qui guida les premiers colons français vers les mines de fourrure à leur arrivée. Eux qui n'avaient que des morceaux de miroir cassé et du scorbut en guise de trousseau pour débuter une vie rude, mais ô combien exaltant dans le Nouveau Monde. Pensons également à Macaire, le valeureux collé immortalisé dans l'émission Quelle famille, qui avertit Jean Coutu, le comédien, pas le vendeur de papier de toilette, de l'arrivée des Allemands en 1940, ce qui permit à cette famille créée par Jeannette Bertrand de déménager à Montréal et de tenir plusieurs saisons à l'antenne de Radio-Canada à l'abri de la botte nazie. Macaire n'a pas sauvé la France, mais il a contribué à l'unité canadienne en japon, en anglais et en français en même temps. Vous me direz que si les animaux ont joué un si grand rôle dans notre histoire, pourquoi donc il n'en est pas question dans l'hymne national canadien composé en 1840 par Basile Routhier sur des paroles de Calixa Lavallée, à ne pas confondre avec la polyvalente du même nom à Montréal-Nord. Eh bien, je vous dirais que non, les animaux canadiens ne font pas partie de l'hymne national, mais on s'en sacre parce que dimanche, lors de l'ouverture des célébrations de la fête du Canada à Ottawa, ce n'est même pas le Haut-Canada que nous entendrons en premier, mais plutôt le « God Save the Queen ». Oui, ça a été annoncé aujourd'hui. Peut-être que le Canada redevient ainsi le caniche de sa majesté, mais j'estime qu'être le poudre de la reine, c'est nettement plus agréable qu'être le ver luisant de personne. Bonne fête du Canada. Merci beaucoup, Fred Savard. Merci. Il y a une rumeur, là. J'espère que Radio-Canada va vérifier. Il y a une rumeur que le ministre des Travaux publics veut remettre la colle sur les timbres présentement. Bon, OK. Pour pouvoir les relicher à nouveau. Denis, c'est plus votre tour, là. Par exemple, c'est mais le tour... Je trouvais qu'elle était bonne. c'est le portrait de la reine, les timbres. OK, c'est correct. OK. Hey, mais cela dit, nous autres, on est toujours obsédés avec le déménagement et on a inventé et imaginé une autre mise en situation. On écoute. donc, c'est bien long. Ça fait 34 heures qu'on roule. Où est-ce qu'on s'en va, là? En Arizona. Tu sais qu'on déménage là-bas, une famille de cactus? Des Mexicains, pas de passeport? Mais non, on s'en va à Phoenix. Moi, pas que t'écoutes encore TVA Sport, toi, là. Ben, j'ai entendu Réjean Tremblay dire que les Coyotes déménageaient à Québec. Il doit bien avoir une passe de cash à faire, si Réjean en parle. Il aime tellement ça, le cash, lui. Fait que, ben, moi, je me suis dit aussi bien être les premiers arrivés. Là. On commencera par amener les banques, genre. Ça va rentrer dans le truck, c'est sûr. Tu me niaises, là? Réjean, il dit ça depuis 2 ans, puis y a rien qui se passe. Tu es en train de me dire qu'on va déménager du vent, hein? Ouais, du vent. Comme quand Réjean parle. Hey, au pire, là, c'est lui qu'on embarquera si jamais c'est pas vrai. Ouais, va falloir qu'il laisse son ego de côté, par exemple. Ça rentrera jamais dans le Saint-Anne. On a le droit de rire de Réjean? Oui. Ah, OK, oui. D'accord. Je pense qu'il faut lui donner un cachet avant. Je m'en suis occupé, c'est correct. Alors, on va retrouver Jean-Sébastien Girard. Et là, on a envie de savoir qu'est-ce qu'il a dans sa boule de cristal. Jean-Sébastien. Rebonjour Jean-Philippe. Rebonsoir. Toujours chez Louise Savard qui est en plein déménagement. Alors si vous pouvez revenir, Madame Savard. On va parler un peu plus tard. Notre prochaine invitée sera Luc Ferrandez. Mais tout d'abord, on va parler des élections provinciales qui s'en viennent. C'est évidemment la question qu'on se pose cet été pour prévoir nos vacances. C'est quand les prochaines élections? Moi aussi, je me pose la question. C'est vrai? Ah, ben c'est... ah, OK. Et l'animateur, Jean-Philippe Vautier, est-ce que c'est quelqu'un qui est promu à un grand avenir? Est-ce que c'est quelqu'un de pertinent, de talentueux, ou c'est une carrière qui est surtout construite sur une coupe de cheveux? Non, c'est un 6, Monsieur Vautier, et c'est une personne qui aime beaucoup, beaucoup, qui se fait beaucoup d'amis, qui se fait beaucoup de relations, et qui ne s'en tiendra pas qu'à ce qu'il fait. Okay. Il va s'en tenir à quoi? Ben, parce que lui, avec, là, il est en mouvement en ce moment. Mm-hmm. Puis, il est dans une année pour la communication. Il magazine en ce moment. Parfait. Et vous me parliez de vibration. C'est quoi la vibration de la nouvelle émission? Ben, c'est comme... la vibration, c'est 13-4. 13-4. Ah. La vibration de l'émission, c'est 13-4. C'est 13-4. C'est ça qui me fait dire que c'est en... transformation. Parce que ça veut dire que ça dit fin d'état au foyer. Le foyer, en tant que tel, là, c'est l'installation d'émissions. OK? Okay. Bon. Et puis, c'est en transformation. Fait que ça va être peinturé, rénové. Il faut transformer l'émission déjà, Jean-Philippe, mais je pense que ça sent bon quand même. Ben, merci, Jean-Sébastien. Effectivement, on est en installation. Là, on vous a perdu à quelques reprises, mais c'est peut-être la censure de la classe, en fait, tout simplement. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Il est l'ennemi des automobilistes du plateau, des chroniqueurs de la presse qui habitent Saint-Lambert et de ceux qui ont une opinion négative de lui-même s'ils habitent à Rimouski et n'ont jamais mis les pieds à Montréal. Accueillons le maire du plateau Mont-Royal, Luc Ferrandez! Bon. J'imagine que vous connaissez M. Coderre. Ben oui, c'est... Denis Coderre, Luc Ferrandez. C'est pas exceptionnel, tout le monde le connaît. Ben oui, non, ça je sais bien. Mais est-ce que tout le monde connaît Luc Ferrandez? Denis, est-ce que vous connaissez bien Luc Ferrandez? On connaît jamais bien Luc Ferrandez, mais on le connaît. C'est vrai? Oui. Vous le décriveriez ben, je comment? Je rentre jusqu'à chez lui, je t'ai poigné dans un banc de neige vers le mois de juillet. Bon. Puis non, on a fait un combat des clips ensemble. On a fait des films. OK, d'accord. Au festival du film québécois. Ah, donc vous connaissez bien. Très bien. Oh. Luc Ferrandez, c'est la deuxième fois que je vous reçois. La première fois, c'était au Spornographe. Et il semble qu'à chaque fois, il y a des nouveaux dossiers épineux qui vous collent à la peau, comme des dégâts d'eau dans les rues de la ville. Et que ce soit la circulation que vous bloquez avec vos politiques, votre refus de déneiger l'arrondissement du plateau Mont-Royal, l'augmentation et la prolifération des parcomètres, vous vous mettez toujours dans le trouble. C'est vrai, ça? Il n'y a rien de facile à changer aujourd'hui dans le calme. Là, si tu changes quelque chose et il ne se passe rien, là, pose-toi des questions. Ben, c'est ça. Ben, je veux dire, justement, on se demandait, là, c'est-tu possible pour vous de gérer ça un petit peu plus calme? Parce que moi, je vis sur le plateau Mont-Royal comme plein d'autres personnes. Et on aimerait ça que vous ayez une gestion un peu plus à la Gérald Tremblay. Là, on n'entend pas parler, ça roule. 4 ans plus tard, tu te réveilles. T'sais. Ouais, c'est ça. Vous n'êtes pas de ce type-là, vous? Non, mais tu sais, tout ce qui est de majestueux à Montréal, le fantastique, là, ça a été construit à peu près il y a 100 ans. Pardon? Ben, entre 100 ans, entre 50 et 100 ans. Vous parlerez aux conduites d'eau sur Sainte-Catherine. Oui, c'est ça. Non, mais il y a énormément de choses qui ont été faites à Montréal qui étaient fantastiques. Bon, il y a eu le métro de Montréal, ça fait pas 100 ans, mais il y a eu les triplex sur le plateau, ouais. les rues bordées d'arbres, l'accès au fleuve et à la rivière en plein d'endroits. C'est des affaires qu'on a faites il y a 100, il y a 50, il y a 40 ans. Qu'est-ce qu'on a fait de fantastique dans les 20 dernières années? Comment on a réagi aux crises auxquelles on doit faire face dans les 10 dernières années? Bien, souvent en essayant de gérer le calme. se passe rien. Il se passe rien. Ah, OK, je comprends ce que vous voulez dire. Ah, ben justement, vous ne faites pas dans le calme. Vous, votre dernier dossier, en fait, est franchement fascinant. C'est assez méconnu. Vous avez récemment demandé aux itinérants de votre arrondissement de nettoyer les rues des déchets qu'on peut voir partout. Parce que l'école bleue, dites-vous, ne font plus ce travail, ne font plus ce travail-là. Écoute, ça, c'est grave. Là. Attends, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose de très, très gros. Je vais vous donner une bière tout de suite. La bière. Ouais, une blanche. Attends, une blanche, je m'en bois deux gorgées. Ouais, je vais me calmer pendant les deux gorgées. Good! Ah. Mon Dieu, Seigneur! L'école bleue travaille fort. Ah, OK. Ah, je ne l'attendais pas à ça, moi. C'est nous qui ne voulons pas qu'ils ramassent les papiers sur les rues résidentielles parce qu'on n'a pas assez de ressources pour ramasser les papiers sur les rues résidentielles. Okay. On a donc demandé l'autorisation qui laisse des gens qui sont en requalification, okay, qui cherchent du travail, d'accord, qui ont déjà eu des choses difficiles dans leur vie, uh-huh, de les laisser ramasser sur les rues résidentielles. Puis on dit oui, puis c'est tout à leur honneur. D'accord. Mais ça a été présenté tout croche dans la presse pour faire un autre de stick de crise là où il n'y en a pas. Bon, ben alors, je vais finir ma présentation tout croche là, pour partir la crise, ça ne vous dérange pas. Alors, c'est une belle initiative, mais l'École bleue vous demande une cotisation au syndicat, ce qui fait que ça coûte le double aux citoyens. Est-ce que ma présentation tout croche est finie? Ah oui. Oui, bon, oui, parfait. Alors, non, ça, parce que ça vient du même article tout croche. Ça coûte... ouais, ça, c'est voie vert, ça? C'est... Non, je cache l'identité de la journaliste qui est d'habitude excellente. Okay. Ah, d'accord. Alors, ça coûte... ils ont dit correct. Mais si vous aviez engagé un col bleu, oui, vous auriez payé une cotisation syndicale. Oui. On veut donc que vous nous payiez la même cotisation syndicale. Ce qui est tout à fait légitime, j'imagine. Ben, en tout cas, ça nous a permis de faire la job. Bon! C'est plus propre dans le plateau? Sur le plateau? Très propre. Bon, excellent. Ça, c'est évidemment un autre dossier qui isole, on va le dire, de plus en plus, le plateau Mont-Royal. C'est vrai? C'est sale derrière les deux ou trois bandes de neige qui ont fondu hier. Fait que, ben ouais, mais ça, on n'a pas eu le temps de ramasser. C'est bien normal parce que c'est bien connu sur le plateau Mont-Royal. On ne déneige pas. Cela dit, il y a un journaliste de Radio-Canada, Luc Chartrand, qui comparait les politiques vos politiques à celles qui ont vu naître Ville-Mont-Royal dans les années 60. Donc, vous savez, la clôture qu'il y a autour de Ville-Mont-Royal pour empêcher les citoyens des arrondissements extérieurs de pénétrer la ville. C'est un peu ce que vous êtes en train de faire selon M. Chartrand. Vous êtes d'accord avec ça? Mais écoute, franchement, quel clown. Regarde, le plateau reçoit 100 à 150 000 visiteurs par jour. C'est le quartier qui en reçoit le plus après le centre-ville. Ils sont tous bienvenus. On en veut plus. On en veut dans nos restaurants, nos magasins, nos rues, nos parcs. D'ailleurs, les parcs, ça fait 10 fois que je le dis, il va falloir construire un deuxième étage sur le parc La Fontaine, tellement qu'il y a du monde là, puis le parc Laurier. Mais à mon avis, si vous attendez, il y a un sous-sol qui va se construire dans pas long. ça va sauver de l'argent. De lui-même. Ah, t'as raison. On en reçoit du monde. On en a plein, puis ils sont bienvenus. Mais les gens qui utilisent leur voiture en transit pour aller à leur travail le matin puis le soir, eux autres, sont pas bienvenus, c'est rue résidentielle. C'est simple, ça, Simonac. Oui, mais si on n'était pas capable de se rendre au Parc La Fontaine, qu'ils prennent la catapulte, parce que, je vais te le dire, moi, c'est pas vrai qu'un gars va s'installer au calme dans un quartier qui est plus au nord, parce que ça, là, c'est beau, puis c'est tranquille, puis c'est sharp, puis qu'il va exiger de pouvoir passer ses pieds des gens qui ont décidé de rester en ville. Là, M. Ferrandez, je vais vous enlever votre... Mais nous, à Rosemont, on trouve que c'est bien, comme ça, là. À Rosemont, L'élastique entre Montréal-Nord et Plateau est pas assez grand. Ça va être un petit peu plus difficile. Ben, on en reparlera tantôt. On a des grosses catapultes, des forts. Oh, oui. On va en reparler tantôt. D'ailleurs, je veux dire quelque chose sur M. Collage. Je suis persuadé qu'il ne se présentera pas à la mairie de Montréal. Pourquoi donc? Mais quand un gars se présente en politique, il engage une consultante en images. Il se refait faire couper les cheveux, il perd du poids. Puis là, les gens sont à la radio, ne peuvent pas le voir, mais je vous garantis qu'il n'y a rien de changé. Ils veulent donc quelqu'un d'authentique. Et qui ramasse la neige. Ah ouais, c'est ça. Et qui ne parle pas contre les médias. Là, mais je ne veux pas faire dans les insultes, là, mais vous, depuis votre élection, est-ce que je vois vous représentez pas en 2013? T'as pris du poids. Ben, ça dit que... Hein? Ça, c'est une vieille stratégie de cracher en l'air pour animer les gens, pour faire plaisir. C'est ça. Moi, c'est pas sûr. Puis même si je me présente, c'est pas sûr non plus que je sois élu. Mais en tout cas, on verra. J'ai quand même une question. Vous savez, le maire Tremblay... D'ailleurs, donnez-moi une qualité du maire Tremblay. Vous avez de la misère avec ça dans les journaux. En tout cas, encore les mots de journalistes qui... Ah, ils sont pas bons. Ben, je sais bien. Une qualité du maire Tremblay. Oui. Tout à l'heure, je pense que M. Coderre a dit que le maire Tremblay, sa plus grande qualité, c'était que c'était pas un mauvais gars. C'est une belle qualité. Il était profondément humain. Ah, profondément humain, c'est... Vous? C'était une minute. Non, on m'a dit, regarde, je l'ai rencontré hier, il a fait une belle annonce. Ah oui, c'est vrai? Là, hier, il a fait une annonce. J'ai dit que ça avance pas vite à Montréal, dans la région de Montréal. Mais hier, il a fait une annonce que... à nul autre pareil depuis très, très, très longtemps, une piste cyclable, puis avec tous les territoires verts qu'il va y avoir autour, pas juste la piste cyclable, qui va partir de Oka, qui va traverser Laval, Montréal, qui va aller jusqu'à Saint-Bruno. Ouais, mais c'est pas une qualité. C'est pas une qualité. Non, c'est pas une qualité. Non, c'est bien. Vous avez bien de la misère. Denis a eu de la misère. C'est un bon yard. C'est un bon yard. Bon, c'est deux belles qualités. vous avez à vos côtés le presque futur maire. On va imaginer qu'il va se présenter, qu'il va se couper les cheveux, qu'il va faire du jogging. Là. Selon. Je vais y aller avec lui, il a raison. Pour le mérite. Ah, OK, d'accord. Ah, oui. Vous savez qu'il est plus jeune que moi. Hein? C'est vrai? Oui, un an plus jeune. C'est superbe comme information. Si je pose la question, où Denis et Luc s'entendraient bien? Sur quel dossier, Denis et Luc? Sur la culture. Sur la culture. Oh, oui, tout à fait. Oui, oui, d'accord. Fait. Et sur la circulation, par exemple. Parce que, on dira ce qu'on voudra, c'est quand même un sujet extrêmement chaud. C'est parce qu'il faut juste expliquer que c'est pas juste le plateau, c'est pas juste un îlot. Mais il faut juste. Il est juste, faut là. Juste comprendre. Dites-lui, expliquez-y. Christophe Colomb, là, ça traverse. C'est parce que, tu sais, il y a des rues qui traversent. Eh non. Ouais. Eh non. Bon, puis pour des raisons de sécurité, il faut faire attention. Ben, il faut que avait les pompiers t'ont parlé, d'ailleurs. Oui, je sais bien. C'est ça. Merci. Mais regarde, Fauguier avait dit quelque chose de formidable à propos du Québec il y a quelques années. Il reste à Montréal, lui, d'abord. Oui, ben, non, mais il y avait dit quelque chose de formidable. Il dit que pendant des années, les Québécois ont privilégié la route à la destination. Il faut tout le temps qu'on puisse se rendre. Mais se rendre où? Bien, c'est ça la question. Puis le où, là, le plateau, c'est une des places magiques, formidables, fantastiques du Québec, à l'égal du Rocher Percé. Puis, loin, oui. La catapulte. Mais même écoute, moi qui voyage à travers le monde, je peux te le dire, puis des gens qui ont voyagé à travers le monde, je ne choisirais pas un quartier de San Francisco de Barcelone sur le plateau. Il faut le préserver comme si c'était le Rocher Percé. Mais préserver, ça ne veut pas dire d'isoler. Non, hé, qui a parlé d'isoler? Tout ce que je te dis. Non, isoler des chars. Non, mais regarde, c'est parce que toi, le char n'est pas mauvais en soi. Oui, il y en a qui n'ont pas le choix. Là. Donc, il ne faut pas fonctionner avec des absolus. Je suis pour le transport en commun, je suis pour tout ça. Mais là, à Montréal-Nord, on n'a pas eu de métro encore. Hey, vous ferez ça à l'hôtel de ville. D'Ottawa. Oui. Mais merci beaucoup, Luc Ferrandez. Ah. J'espère que vous restez pour le reste de l'émission. Avec plaisir. Oui, puis après ça, on ira prendre une bière avec Denis. Okay? Parfait. Un autre gorgée. Il prétend être un mésadapté social 2.0 et pourtant, il est très propre de sa personne et met parfois des cravates qui coûtent la peau du cou. Voici le billet d'Olivier Niquet. Ah, merci Fred, c'est trop d'honneur. Oui, je suis un peu introverti. Oui, je mène une vie rangée dans mon sous-sol et c'est ce qui fait que je couvrirai pour vous les événements de la semaine sans trop vraiment les couvrir. Mais en me mettant souvent dans des positions difficiles. Quand je dis positions difficiles, là, c'est du sérieux. Dimanche, j'ai loué L'Empire Bossé. C'est que j'ai vu sur Twitter quelqu'un dire que L'Empire Bossé, un film sur un entrepreneur corrompu qui profite d'un gouvernement corrompu, ressemblait beaucoup à l'actualité québécoise. Et là, je me suis dit, semble c'est comme comparer des pommes puis un navet, là. Ben non, c'était vrai. L'actualité québécoise ressemble effectivement à un film de série B avec des mauvais acteurs. D'ailleurs, là, pour rester dans le domaine du Guillaume Lepage, là, dimanche, c'était aussi le show de la Saint-Jean à Montréal, un show qui ne veut plus rien dire pour la majorité silencieuse du vrai monde, un show instrumentalisé par les extrémistes selon Jeff Fillion. On en a fait un show de gauchistes, un show de souverainistes, un show de homosexuel. Oui. Oui. Sérieux, là, il manque juste une coupe de plumes d'infofoune de Guilla, puis on confond ça avec le défilé de la fierté gay. Lundi, le nouveau président égyptien Mohamed Morsi déclare « Le Coran est notre constitution et la mort au nom d'Allah notre but ». Ce qui est le plus impressionnant là-dedans, là, à part que Morsi n'ait pas commenté les propos du Doc Mayou, c'est à quel point tout un peuple puisse se prosterner candidement devant une figure religieuse. C'est pareil pour José Boudreau, hein? Tu sais, José Boudreau? Non. Un village complet s'est mis à genoux devant elle lundi soir dans le cadre de l'émission La Petite Séduction. Hey, on sait même pas c'est qui, José Boudreau. Prochaine étape, ça va être qui? Une fille d'un pub de Brouwer-Martineau? Jean-Philippe Vautier? Come on! Et mardi, le sénateur Patrick Brazeau a traité une journaliste de bitch. Mais ce qui est encore plus scandaleux, là, c'est que Brazeau soit sénateur à 37 ans et que son nom sur Twitter, là, c'est The Braz Man. The Braz Man. Mais surtout, là, en se faisant casser la gueule par Justin Trudeau, là, il aura rendu possible sa candidature à chefferie du Parti libéral. Et ça aussi, je trouve ça odieux. Mercredi, j'ai enfin compris ce qui troublait tant la classe avec le show des humoristes indignés. C'est que les jokes de fesses, là, ça brise des vies. Écoutons une militante nuancée. Ce genre de propos-là, ouais, ça véhicule des stéréotypes puis des clichés. Puis ces stéréotypes-là et ces clichés-là, ça brise des vies. Oups là, hein? D'après moi, on a brisé une coupe de vie à soir, mon frère. Hein? Jeudi, parlant de futur vie brisée, on commence à avoir un meilleur portrait de l'équipe de la toute nouvelle Choix Radio X Montréal, qui arrive à l'automne. Bonne nouvelle, on pourra y entendre Vincent Dessureau, mieux connu sous le nom de Des, comme dans « Hey Des, salut man, Des! » Mais c'est intéressant, je pense, pour les gens de Québec, de voir que la radio qu'on fait ici va être exportable. Puis je pense qu'à Montréal, ils n'ont besoin, là. Ça urge d'avoir une radio parlée proche d'eux autres. Il ne faut pas dire une radio de droite, là. Une radio proche des gens, là. C'est ce qu'ils n'ont pas à Montréal, puis ça urge. Enfin une radio! Pardon. Une radio populiste, une radio d'opinion à Montréal. Moi, là, je souffre de ne pas avoir d'opinion sur plein d'affaires. Là, avec tout le monde qui va me dire quoi penser, j'aurai enfin du temps pour m'occuper de mon potager. Et aujourd'hui, vendredi, j'aimerais souligner l'anniversaire du pont Champlain qui a 50 ans. Cher pont, je te souhaite que ton successeur n'hérite pas de ta maladie dégénérative et ne soit pas nommé en l'honneur de Maurice Richard, un gars qui, comme Gabriel Nadeau-Dubois, a fomenté plein d'émeutes. Faudrait trouver quelqu'un de plus consensuel, quelqu'un que le Québec est unanime à pleurer en ce moment. Le meilleur joueur de quatrième trio de tous les temps, le Mathieu Darche peut-être? Ah oh, non, j'ai mieux. José Boudreau. Le pont José Boudreau. Ouais. Merci. Merci Olivier. À la soirée est encore jeune, je vous le dis, le déménagement et les déménageurs, c'est une obsession. On écoute. Bon, dernier déménagement de la journée. Première maison qu'on fait aujourd'hui, ça va aller vite. Encore vous? Ah ben, hey, on s'est vu un matin. J'espère qu'on vous prend pas par surprise, là. Ben, plus ou moins, là. La surprise, c'est qu'avec la nouvelle loi C-38, là, je suis obligé d'accepter n'importe quel emploi, sinon on me coupe l'assurance chômage. C'est pour ça que je déménage à Moose-Jaw, là. Ah, on va être blood, là. Vu que c'est la deuxième fois, on va vous donner un rabais de 30%. Ah, ben, ça tombe bien. Mon nouvel emploi est à 70% de mon salaire. Ben... Ça va aller à Sundance, hein? Ah, je pense que oui. Je pense que c'est déjà là. Ah oui, c'est vrai. On retrouve Jean-Sébastien qui est toujours en compagnie de Louis Savard, dite la petite sorcière, Jean-Sébastien. Voilà. Oui. Rebonjour. Ah, donc, ben, oui, toujours avec la petite sorcière. On est en train d'écouter les vibrations de Luc Ferrandez, donc né le 7 août 1962. Et sans embâche, Madame Savard, vous me dites que M. Ferrandez n'est peut-être pas vraiment à sa place dans le métier qu'il exerce présentement. Ben, je disais que c'est comme... il serait mieux à Ville-Mont-Royal que sur le plateau Mont-Royal. C'est pourquoi? Par rapport au fait que c'est très strict. Il a une mentalité dogmatique. Okay. Stricte et, disons, pour garder l'ordre. Okay. Et le plateau Mont-Royal, c'est reconnu pour être un endroit festif, où il y a beaucoup d'activités, beaucoup de monde, beaucoup beaucoup d'effervescence. Alors, c'est quoi l'avenir de Luc Ferrandez sur le plateau? Il y aura des élections probablement dans 16-17 mois. Il dit probablement qu'il y a 50-50% des chances de revenir. Est-ce qu'il va revenir? Je ne penserais pas. Ah non? Non, parce que cette année, il a 49 ans. Okay. Il va avoir 50 ans bientôt. Oui. Mais pour l'instant, il a 49 ans. Et quand on vit une année avec un œuf dedans, c'est du jamais vu. Okay. Autrement dit, il s'est passé des choses dans sa vie qui ne peut pas se fier sur son expérience passée parce que c'est jamais arrivé. Parfait. Et qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Est-ce qu'il peut redevenir comédien, retourner en Espagne? Il va beaucoup hésiter. Okay. Beaucoup hésiter. Puis j'opterai beaucoup pour le retour en Espagne, mais pas cette année. Pas cette année. Non. Parfait. Ouais. Et juste en terminant, pour le bénéfice des habitants du plateau, est-ce qu'il y aura beaucoup de neige l'hiver prochain? Donnez-moi 4 chiffres, on va savoir ça. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Non, c'est non. Relativement plus de pluie. J'aime pas ça. On est tous rassurés. Merci beaucoup, Madame Savard. Bienvenue. Alors voilà, on a toutes les vraies réponses, Jean-Philippe. Hey, c'était bon. Ben, c'était merci là, beaucoup, Jean-Sébastien. Puis c'est plate pour Luc, mais qu'est-ce que vous voulez? Ben, Ville-Mont-Royal, c'est pas pire à gérer non plus. Oui, je sais bien, mais il paraît que vous allez même pas être élu la prochaine fois. C'est embêtant de même. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Vous êtes un atout inestimable pour notre émission. Bonne fin de semaine. Chef des nouvelles au HuffPost, il a l'habitude de copier les textes des autres. Pour nous, il couvrira la scène politique de Québec et d'Ottawa. D'origine italienne, il en sait donc beaucoup sur les dessous de la politique. Voici Jean-Philippe Cipriani. Bonsoir. Bonsoir. Non, Maître Cipriani. Il paraît qu'il va y avoir des élections au Québec très bientôt. Ah, oh, vous et, savez ça, vous? Ben oui, oui, ben j'ai mes contacts. Ah ouais, hein? Oui, c'est Louis Savard qui est numérologue. 5, 6, 7. Oui, c'est ça. Mais puisque vous êtes un bon correspondant parlementaire, j'imagine que c'est pas de ça que vous allez nous parler. Exactement, Vautier. Vous savez, on parle beaucoup de ceux qui se présentent, mais oui. Là, je vais vous parler de ceux qui s'absentent. Parce que... on aime beaucoup nos élus, mais on dirait qu'on les aime encore plus quand ils s'en vont. Hein? Fait qu'il risque d'avoir une effusion oui. d'amour et de plaisir à Géographique, vraiment, pour les prochaines élections provinciales, parce qu'il y en a beaucoup qui ne reviennent pas. Ah oui, c'est vrai. Mais qui va nous quitter comme ça? Là, on a appris Sylvain Simard récemment, mais bon. Ben voilà, hier, ben oui, Sylvain Simard, lui-même, la voix de Stentor du Parti québécois, là, vous le connaissez bien, celui qui ne voulait pas porter le carré rouge, mais ce n'est pas pour ça qu'il s'en va, ça, c'est sûr. Non? Non. OK, OK, good. Il ouais. y a aussi... Oui, exactement. Il y a aussi, ben, vous vous souvenez peut-être de Pierre Curzi, ben, Lisette Lapointe, ben. Louise Beaudoin, là, les trois qui avaient décidé de ne plus être membres du PQ ou, comme disait un certain Magnotta, de se démembrer du PQ. trop tôt, trop tôt. Je crois que Louise Beaudoin s'est remembrée après quelques coups de casserole. Mais il y a eux autres, notamment, qui ont décidé de ne pas revenir. Ouais. Et chez les libéraux aussi, il y a le valeureux Yvon Vallière. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, qui prend sa retraite. Celui qui était vraiment, là, qui avait la poigne de fer à l'Assemblée nationale quand il était président, là, complètement absorbé par les injures. Puis lui, il allait de son retentissant, là, « Collègue, collègue. » Puis ça, là, ça calmait tout le monde. D'ailleurs, il vient d'annoncer cet après-midi, là, comme dernière annonce avant son départ, là, qu'on va continuer à exporter de l'amiante dans les pays en développement pour essayer de les tuer bien comme il faut. toujours chez les libéraux, Jean-Philippe, Vincent Auclair, vous vous souvenez peut-être de lui, c'est l'homme qui a vaillamment refusé l'enveloppe d'argent du maire Vaillancourt et qui, par le fait même, s'est assuré de ne jamais être nommé ministre. Et même... et puis même avec les plus jolis post-it de la Terre sur son CV, malheureusement, il ne pourrait pas non plus devenir juge parce qu'il a décidé d'être notaire. Alors vraiment, c'est bien, bien dommage. Ben ça, c'est ceux qu'on connaît, mais il y a aussi des rumeurs. Il y a beaucoup de rumeurs. Ouais, oui, ils vont bon train, les rumeurs. La toujours très dynamique Monique Gagnon-Tremblay, ben, là, oui. qui est ministre des Relations internationales, je pense qu'elle est là depuis 1922, il semble... en même temps que Denis. Il paraît... oui, alors, oui, oui. elle, il semble qu'elle songe peut-être à tirer sa révérence. Norm Macmillan aussi, qui est un peu tanné de se faire suivre quand tu vas chercher un Big Mac stationné devant une bande fontaine. Julie Boulet aussi. Deux Big Macs. Deux Big Macs. Ah, Mac. Denis, vous avez des contacts. On va à la même place. Un familial 4. Exact. Ça coûte moins cher. C'est pas sur le plateau, en tout cas. Il y a Julie Boulet aussi, il y a des rumeurs. Oui. Et même Michel Courchesne, là, malgré son excellente gestion de la crise étudiante, malgré son excellente gestion des places aux garderies pour les donateurs du parti, là, elle aussi, semble-t-il, qu'elle pourrait quitter. Il y a même Raymond Bachand qui voudrait quitter, mais ça a l'air que depuis le début de la crise étudiante, il serre les dents un petit peu plus chaque jour. Ah oui, c'est vrai. Il va-tu rester du monde pour la prochaine élection? Bien, c'est ce qu'on se demande. Mais attendez, là, avant, je vais vous parler de ceux qui sont déjà partis. Oui, oui, bien oui. Lynn Beauchamp, qui est partie vivre en Afrique. Monique-Jérôme Forget, qui est partie vivre au Mexique. Tony Tomassi, qui est partie vivre avec sa conscience. Jacques Dupuis. Jacques Dupuis, qui est parti vivre à TVA. Nathalie Normandeau, qui est partie vivre avec la police. David Whistle, qui est parti vivre avec l'asphalte. Puis on retourne depuis 2003. Il y a Marc Bellemare, Yves Séguin, ben Philippe Couillard, Michel Audet, Thomas Mulcair, Benoît Pelletier. C'est le fun, ce parti-là. C'est ça. Il n'y a plus personne pour la prochaine élection, si vous me le confirmez. Ben, il va rester à peu près Jean Charest, Pauline Marois, puis votre préféré, Sam Hamad. Ah, ben c'est parfait, ça! Et puis, au fédéral, il n'y a personne qui s'en va, toujours. À date, la seule rumeur, ça concerne Denis Coderre. Ah, voyons donc! Ben, en tout cas... moi, ce que les rumeurs que j'ai entendues, c'est qu'il y a une place qui va se... il y a une... 7 et 9. Il y a une place qui va se libérer sur le plateau Mont-Royal. Moi, j'irai de ce côté-là. On merci peut, beaucoup. On peut-tu parler des vraies affaires? Là? Non. Je chante un Italien et un Espagnol. Qui c'est qui va gagner? Ça, c'est une bonne question. Non. À mon avis, ça va être l'Espagne. Moi, je suis pour l'Italie. Ah oui? C'est vrai? Oui. Ah non, ça va être l'Espagne, honnêtement. D'ailleurs, si j'étais dans votre comté, je voterais pour moi, hein? Aujourd'hui. Hey, merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, tout le monde. C'est déjà tout pour la première de la soirée. Et t'es encore jeune. Merci énormément. Franchement, vous avez été, vous avez été un bon public. Restez à l'antenne parce que Monique Giroux fait une scène, nous succède à l'instant et on va célébrer les Francofolies et les 25 ans de radio de Monique avec en invité spéciaux Pierre Lapointe, Ariane Moffat, Michel Fugain, Catherine Major, René Claude et plusieurs autres. Immédiatement après, ben maison. Ouais. Immédiatement après, il y a Bande à part qui est animé par Élodie Gagnon, Pierre Lapointe qui sera également là, qui anime visiblement tous nos vendredis. Et on parlera des jeunes artistes souverainistes qui sortent du garde-robe. Il faudrait parler des jeunes artistes libéraux qui sortent du garde-robe. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a plein. Ah oui? Ben faites-les sortir du garde-robe. Ouais, merci à toute l'équipe. Fred Savard, évidemment, Olivier Niquette, le très talentueux Philippe Roberge, Julie-Christine Parent, Marie-Claude Bocage, notre stagiaire Nicolas Guindé et Guy Charbonneau. Merci aux invités de ce soir. On se retrouve la semaine prochaine à 19h pour une autre soirée qui sera, on l'espère, encore jeune.